XII. Le petit peintre. Tout y redevint calme, jusqu'au cœur de la jeune fille, qui cette fois eut remercié à main jointe Yorick d'avoir mérité ce nom de loup, qui l'avait néanmoins fait rougir de tendresse offensée. Pas une réflexion ne lui échappa pourtant contre la dame, plus jolie que nature, selon l'avis de M. Léonard, et qui les quittait si bruyamment. Cette discrétion, dont il lui savait gré en lui-même, l'alarma tout à coup, car elle pouvait, pensait-il, n'être qu'une apathique indulgence, et il s'écria. « Vous conviendrez pourtant qu'elle révolte avec sa tendresse pour sa mère. »« Je n'ai pas bien entendu tout ce qu'elle disait, mon oncle, et puis elle est si jeune, » répondit l'autre enfant. « Et puis Paris fait tant de bruit. On ne s'entend pas penser dans la foule. L'enfance d'une femme doit se prolonger bien longtemps à Paris. » « Moins qu'ailleurs, je pense, » répliqua M. Léonard, en examinant la physionomie juvénile et diaphane de sa nièce. « Après 100 ans de séjour à Paris, par exemple, on retrouvera toujours en vous quelque empreinte du cachet paternel et des enfants du Nord. »« Eh bien, mon oncle, c'est unique, » dit-elle avec un air tout à fait tendre et réfléchi. « Il me semble aussi, quand je vous regarde, que je revois nos remparts et leurs grands arbres, toute la maison de mon père, si close en hiver, si bonne aux pauvres soldats blessés. » « Je ne veux pas m'apercevoir que vous avez une larme qui tremble et qui va tomber de votre œil, » répondit M. Léonard, « et cela pour ne pas me mettre en colère. »« Ouvre donc, Léonard, » cria du dehors une voix claire et brève. « Vous allez juger si l'enfant se prolonge à Paris, » dit le peintre, en allant ouvrir lui-même. « Mais vous le connaissez bien, ce petit homme précoce. Il me surprend toujours un peu. Son jugement me fait l'effet d'être éclos en serre chaude, comme sa personne. Je l'aime par étonnement. » « N'est-ce pas Paul que vous voulez dire ?»« Léonard, es-tu là ?» répéta la voix, presque impérieuse. La porte s'ouvrit. « Bonjour, Léonard, » dit Paul, en secouant familièrement la main du bon peintre, et à l'endroit, sans le regarder non plus, qu'Ondine, devant le chevalet chargé de peinture, où il demeura longtemps pensif. « Veux-tu me permettre ?» demanda M. Léonard en passant doucement entre le chevalet et lui. Paul se rangea tranquillement et regarda par-dessus l'épaule de son ami. Il y eut encore là un long examen muet de la part du petit Paul, dont les yeux noirs et vifs se plongeaient de côté en regard d'oiseau, en observateur consommé, sur toutes les parties du tableau commencé. C'était une jeune fille dessinant pour son frère, plus enfant qu'elle, le portrait d'un gros chien bien aimé, posant avec une gravité soumise sous le doigt levé de l'enfant. Paul n'ouvrait pas la bouche. M. Léonard se retourna tout à coup, et frappant légèrement le front de son juge avec son appui-main. « Eh bien, mon vieux, qu'en dis-tu » demanda-t-il gaiement. « Pas grand-chose aujourd'hui, » répondit Paul sec et grave. « Ton esquisse me paraît devenir un peu croûte. Tu l'avais jetée plus franchement, plus nature. Je n'en suis pas content. Ta palette est terne, comme si tu avais peur de te faire mal aux yeux par des teintes brillantes. « Diable, tu me décourages, » repartit le peintre en souriant. « Ce n'est pas mon intention, » répliqua Paul. « Mais tu me le demandes ?» Et tu sais que je dis ce que je pense. Je ne viens pas te voir pour te flatter. Tu fais bien, Paul, car il y a toujours du bon dans un jugement sévère. Mais ce mot croûte est peut-être un peu dur entre amis. Tu sais qu'une vérité amère peut s'envelopper d'une caresse. J'en dis bien d'autres à tous mes peintres, je t'assure, Léonard. Et ils te valent bien, je crois. Il ne faut pas traiter les hommes comme les enfants. Je ne peux pas sentir la mignardise. Allons, tu as du courage et cela va bien avec ta taille. On ne peut pas encore dire avec toi que la lumière vient d'en haut. Mais Daniel n'avait pas plus que ton âge quand il répandit la lumière. Et puis tu grandiras, Paul, et tu auras, j'espère, un grand talent. Je l'espère comme toi, Léonard. Et je t'y engage, Paul, car si tu me manques de paroles, je te servirai toutes tes flèches pour te recaler et t'éclairer à mon tour. Je ne les garderai dans mes mémoires que pour cela, mon ami. Et il lui pressa cordialement la main. « Je te remercie d'avance, Léonard. » Et il se remit en observation. « Ce diable de Raphaël doit donc. » « Il ne s'est pas égratigné, » dit-il en regardant un portrait de Raphaël que M. Léonard avait copié fidèlement. « Sais-tu que c'est une tête idéale de beauté ? Je n'ai jamais vu d'homme comme cela, et toi ?»« Il a surtout des traits aimables, » dit M. Léonard charmé. « Et c'est vrai, peu d'hommes ressemblent à ce frère des anges. » »« J'en connais un pourtant, » qui a beaucoup de ces traits qui prennent le cœur. C'est un jeune Allemand qui a fait le voyage de Rome en même temps qu'Abel. Il n'a pas l'air de se douter de sa ressemblance avec le grand maître. Toutefois, c'est cette beauté insoucieuse, ce génie au repos que voilà. Je serais surpris qu'il n'eût pas aussi des bottes de 7 lieues, avec lesquelles il dépassera beaucoup de nos peintres. Tiens, voilà une petite chose qui te le fera connaître. 2 pêcheurs napolitains, dont l'un est tout à ses filets, qu'il couve des yeux, et l'autre à quelque objet invisible pour nous, qu'il semble chercher dans l'espace, où il est bien entraîné et perdu. Il aime ces scènes qu'il traduit avec un rare bonheur. Paul était rouge d'intérêt et d'attention, tandis que M. Léonard continuait avec complaisance. Cette atmosphère spéciale dans laquelle il s'enferme encore, comme un ermite dans sa cellule, prouve ici le discernement de ses forces. Il est solitaire dans son talent. Mais il est vrai, son crayon, fortement accentué, n'accuse que ce qu'il a vu, et qu'il reproduit d'une manière énergique et intelligente. L'hirondelle ne fait que des nids, mais ses nids sont sublimes. Elle y met l'âme d'une mère, et là-dedans, je vois l'âme d'un peintre. Cela me réchauffe. Vois comme ses airs sont bien touchés. Il ruisselle jusqu'au bord des ombres. Cette lumière a du mouvement, comme celle que Dieu nous a créée. Le cadre est étroit, mais il fait du jour dans l'atelier. Tu sais mon faible pour les peintres coloristes. Ah, la vie est si belle, quand elle est belle. Le portrait de Raphaël bougea aux yeux d'Ondine. L'entrée subite, d'Yorick, l'eût frappé de moins de surprise. Et voilà tout l'atelier qui s'éclaire et se peuple de ce portrait radieux, jusqu'alors un peu poussé au noir, comme disait le maître. Et voilà Paul qui parle, raisonne ou déraisonne, sans être entendu. La jeune fille était réfugiée au pied du tableau. Son âme y était en prière. Sa chaste rêverie avait trouvé un point fixe dans l'absence, un asile, une espérance. « Puisque tu es en train de gronder, Paul, gronde cette demoiselle. Elle n'est pas contente du déluge de Giraudet. Et je te le demande. On dirait que cette grande page s'est déroulée pour saluer l'époque de ta naissance. » Paul siffla tout bas en souriant, avec l'intelligence que son vieil ami se moquait de lui. « Moque-toi d'elle à ton tour. Elle trouve ceci, elle trouve cela, elle veut, je crois, le refaire. Cette critique ne te fait-elle pas frémir ?» Paul regarda la nièce de M. Léonard, prise ailleurs. Il avança les lèvres et haussa les épaules, avec le sang-froid d'un juge indulgent qui dit « Pitié !» M. Léonard était aux anges. Le peintre, qui trouvait sa palette un peu dépourvue, chercha des yeux ce que lui manquait, et ses doigts indécis erraient au-dessus de sa boîte à couleurs, parmi les nuances qu'appelait son instinct. « Tiens, dit Paul en lui présentant la teinte qu'il croyait convenable, voilà ce que tu cherches. »« C'est ce qui te trompe, répondit M. Léonard avec une douce raillerie. « Ce que je veux n'est pas bleu d'outre-mer. Ce n'est ni de la laque, ni rien de ce que tu broies dans ton intelligence. Tes calculs ne sont pas les miens. Ton instinct n'est pas ma pensée. Ta fièvre ne brûle pas de mon sang. Et ton inspiration bonne en elle-même ferait peut-être un trou dans mon tableau. Ce que je veux est partout et nulle part. Ce que je veux n'a pas de nom. Ce que je veux, c'est la grâce harmonieuse, plus fluide que l'aile d'un papillon, dont la poussière ne fera plus le mouvement et le velouté. Ce sera de la cendre, et je n'en veux pas. Je veux un rire d'enfant pour effleurer ces lèvres que voilà. Enfin, ce que je veux, c'est la vie. En vends-tu ? Trouve-la donc tout seul, répondit Paul sans s'émouvoir, et verse-moi là-dessus une goutte du poussin ou du tintoret que tu adores. Frotte-en les tableaux qui te font mal à la tête. Moi, vois-tu, je sauterai à pieds joints sur toutes les lenteurs qui me font bouillir le sang et la cervelle. Quand je me plongerai dans la peinture, moi, ce sera bride abattue, comme l'empereur dans la gloire. Voilà comme j'irai, tiens, poursuivit-il en relevant ses cheveux avec impétuosité. Et saisissant d'une main hardie le pinceau d'Ondine, il barbouilla sur une toile nue l'énergique profil d'un vieux grognard. M. Léonard sautait de joie. Ondine regardait Raphaël, et Paul, après cette gambade d'écolier, remit avec calme le pinceau et la palette. « Écris ton nom et ton âge là-dessous, dit M. Léonard, 12 ans et Paul de L. » « Je ne signerai que les tableaux qui me feront honneur, » répondit l'enfant. « Ceci n'est qu'une saillie de colère. »« Adieu, Léonard. J'oubliais de te dire que mon père est brouillé avec toi, s'il ne te vient pas dîner avec nous demain. »« On ne peut t'avoir qu'à la 100e invitation. Tu es assommant, Léonard. »« C'est pour te faire grandir, » répondit gaiement le peintre. « Écoute, Léonard, ne badine pas et viens, sinon je te déclare que je ne te dirai plus rien. »« Je garderai mes conseils pour moi. Tu viendras, n'est-ce pas ?» Adieu, Léonard, et le voilà parti.